Chapitre 14. Le secret hésitant. Les quelques jours qui séparaient de la cérémonie de la croix de mission le dimanche où avait lieu le solennel sermon de Pierre Kerbiriou à ses paroissiens furent pour Denis le Marec un cruel et lent supplice de tous les instants. Et il les passa dans un état de fièvre tout à fait extraordinaire. De ci, de là, à différentes reprises, en plusieurs occasions, on lui avait bien fait comprendre que son oncle avait une certaine antipathie pour l'homme dont il avait sauvé la fille. Mais, comme le sujet ne paraissait pas devoir jamais l'intéresser d'une manière très intime, on n'avait pas insisté devant son apparente indifférence, et lui-même n'avait pas cherché à en savoir davantage, croyant à quelque malentendu, peut-être même à une insignifiante querelle arrivée dans le passé. Les paroles prononcées en chair par le curé le détrompèrent durement, lui démontrant qu'il s'agissait d'une véritable haine, mieux que de la haine, d'une question d'ordre social, presque d'un sacrilège. Alors, pour la première fois, il se mit à réfléchir longuement, sérieusement, à tout ce qui s'était passé depuis son retour, à tout ce qui lui était arrivé, et plus que jamais, il sentit l'absolue nécessité de ne pas se trahir, de conserver toutes ses formes, d'amasser tous les arguments pour triompher et surmonter la succession d'obstacles dressés entre lui et Geneviève Goualaine. Depuis son retour à Camaret, il se trouvait, sans s'être rendu compte, sans avoir en rien travaillé à cela, placé entre les souvenirs d'enfance, pour lesquels il avait longtemps conservé une large place, la plus large assurément au fond de son cœur, les amitiés du pays, les bonnes camaraderies et son brusque amour pour cette fille du Rebutou qu'il ne connaissait pas auparavant. Il ne l'avait jamais rencontrée, en effet, lors de ses précédents séjours en terre de France, et il lui avait cependant suffi de la voir une fois pour s'en éprendre pour le reste de sa vie, à se damner, à se tuer s'il ne l'obtenait pas, si elle ne devenait pas sa femme, comme il en avait pris le formel engagement. Successivement, il venait de s'apercevoir qu'il allait mécontenter, blesser ceux qu'il estimait, ceux qu'il aimait le plus, ayant à lutter contre son oncle le curé, contre Jean-Marie Balanec, ce vieil ami de sa famille. Il sentait qu'il aurait aussi à combattre, dans une certaine mesure, la tentation d'épouser la fille du mareyeur, cette reine Balanec, dont les séductions ne lui avaient nullement échappé, que tous vantaient comme la plus belle fille de Camaret et qui, à ce qu'il lui semblait, serait toute disposée à le prendre pour mari. Mais, de ce côté, il se trouvait fort de la confidence de son ami Hervé Morvan qu'il ne consentirait jamais à trahir. Tous ces débats, si secrets qu'ils eussent été tenus par lui, n'avaient cependant pas pu échapper à tout le monde. Trop d'yeux étaient aux aguets dans le pays, trop d'oreilles aux écoutes, trop de curiosité constamment en éveil pour que les faits et gestes de Denis le Marec ne fussent pas connus dans leurs moindres détails. À Camaret, en dehors d'Hervé Morvan, qui savait à quoi s'en tenir sur les amours de son camarade et qui les favorisait de tous ses vœux, Marie-Anne avait su deviner le secret du jeune homme, et déjà, quelque rusé qu'Homère, toujours à l'affût de ce qui pouvait survenir de nouveau dans le calme de leur monotone existence, commençait à flairer un mystère dans les agissements du neveu de Pierre Kerbiriou depuis son arrivée au pays. Plus d'une, parmi les jeunes camarétoises, eût été fort désireuse de se voir recherchée par le jeune homme, mais, comme on connaissait par avance les désirs peu cachés de Balanec, comme on soupçonnait reine d'une certaine tendresse pour son ancien ami d'enfance, et que tous étaient d'accord pour trouver cela très juste, aucune n'avait osé entrer en lutte avec la fille du mareyeur. On s'émut d'autant plus lorsque, par des bruits vagues venus on ne savait d'où, transmis par des bouches qu'on ignorait ou qu'on ne voulait pas trahir, la rumeur commença à se répandre qu'on aurait prochainement une grosse surprise à ce sujet et qu'il ne fallait pas trop se hâter de conclure. Quelques-uns de ces propos arrivèrent jusqu'à Madame d'Orso, et ce fut Louise Pénéguez qui, avec une grande indignation, lui apprit la nouvelle, peu à peu ébruitée. « Croyez-vous pas, tante Rosalie, que voilà qu'on prétend partout, à ce jour, que le neveu de monsieur le recteur n'a plus d'idée que pour cette petite qu'il a sauvée? Vous savez bien, la fille au reboutou, comme si c'était croyable !» À cette révélation, la patronne de l'hôtel de la Marine, le premier mouvement de surprise maîtrisé, eut un long et prolongé balancement de sa tête au très fin, comme si, tout au fond d'elle-même, elle n'eût pas été tout à fait aussi étonnée qu'elle le laissait si complaisamment voir. Elle murmura seulement à mi-voix, sans se livrer. « Ah, ah, voyez-vous !» Mais l'autre insinua, pressante, déduisant les conséquences. « Eh bien, et notre reine alors ? Que va-t-elle penser de tout cela quand elle saura qu'on viendra lui apprendre ?» La doyenne plissa les lèvres d'une moue légère. « Oh, ce ne sont pas les amoureux qui lui manqueront, pour sûr. Et à mon idée, elle n'a jamais dit qu'elle aimait Denis le Marec. Alors, n'est-ce pas, vous comprendrez, ma bonne Louise ?» Elle n'achevait pas, se souvenant tout à coup d'Hervé Morvan, qu'elle avait en haute estime pour son travail, pour sa conduite, et dont les assiduités auprès de la fille de Balanec lui avaient été connues. La veuve Pénéguez reprenait. « Pour sûr, c'est un goût d'étrangeté que lui auront donné ses voyages dans tant de pays bizarres, car il n'y aura que lui dans Camaret pour hésiter entre la reine à Balanec, une si belle fille, un magnifique parti, et cet autre de là-bas, qui ne la vaut certes pas, à aucun point de vue, on peut dire. Oh, diable, il ne voit plus comme ceux de Paris-ci, sans doute !» Plus raisonnable, réfléchissant davantage, Rosalie d'Orso expliquait. « Mais, ma Louise, que trouvez-vous donc de si extraordinaire dans tout cela, en admettant toutefois que votre histoire soit vraie, car ce qu'on fait de Cancan ?»« Si elle est vraie, Seigneur Dieu, tout un chacun le dit !» Elle eût été prête à affirmer dans l'ardeur du bavardage, bien qu'elle ne se souvînt même pas exactement de qui elle tenait le propos. Son interlocutrice céda. « Possible, après tout. Voyez-vous, comme je vous disais, il n'y a dans tout cela ni bizarrerie ni étrangeté. Il y a l'amour plus fort que tout. Pour reine, je le comprendrais, » insista Louise Pénéguez. L'autre s'impatienta dans une soif de justice, d'impartialité. « Ah, ça, voyons, la petite est une honnête fille, pas vrai? C'est point parce que son père est le reboutou qu'on pourrait l'empêcher d'être aimée. » Et encore, sur l'homme du Cap de la Chèvre, je ne pense pas comme beaucoup d'ici, ayant été le voir, ayant causé avec lui dans sa maison le jour où je lui ai reconduit sa faïque. C'est un père comme tous les pères, meilleur père que bien d'autres. Pour ce qui est de sa fille, elle est jolie, douce, laborieuse. Elle fera, tout comme notre reine, une honnête femme. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle trouve aussi à plaire ? La conversation en était restée là, Louise ne trouvant plus d'objection à opposer. Mais elle était rentrée chez elle, nullement convaincue, entêtée dans ses idées. C'est ainsi que, tandis que Denis le Marec voyait avec quelle anxiété se rapprocher le jour où son secret serait dévoilé à tous, publiquement, ce même secret commençait à se trahir, passant de l'un à l'autre, enflé, envenimé de tous les commentaires malveillants, et l'on pouvait prévoir le moment où les intéressés le connaîtraient sous son plus mauvais aspect s'il ne se hâtait de l'annoncer lui-même.